On va parler avec Pascal Masson de la Ligue canadienne de football. C'est les éliminatoires en fin de semaine. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, en fin de semaine, évidemment. Mais avant, on va parler de quelques petits sujets avec les Alouettes que je veux te parler. As-tu vu le logo? Oui. Comment t'as trouvé? Ben écoute, de un, moi, j'ai jamais été un fan du logo du A avec le gros oiseau là. Moi, j'ai jamais aimé ça. Je suis plus du genre, j'aime les logos un peu plus minimalistes, un peu plus carré, tu sais, dans le sens moins de fla-fla, là, un peu à la XFL là, tu sais. Fait que je déteste pas le nouveau logo. C'est sûr que c'est tout le temps difficile d'accepter un espèce de changement de logo là, dans nos têtes et dans notre cœur, mais moi je le trouve pas si pire. Moi, j'aurais changé de DG, mais ça, c'est un autre débat, là. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, c'est comme on essaie de passer la pilule ailleurs, Essaye de passer la pilule ailleurs, c'est tellement pas important, là. quoi. C'est pas ça qui va faire vendre des biens, puis c'est pas ça qui va faire vendre des loges corporatives et ainsi de suite, là. Non, absolument. Pascal, puisqu'il est question des Alouettes, j'ai consulté la liste des joueurs autonomes un petit peu, puis il y a deux gros noms, Bo Levi Mitchell, puis Mike Riley, qui risquent d'être joueurs autonomes. Question, les Alouettes ont quatre carrières, mais là-dessus, il y en a trois qui sont numéro 2, puis il y en a un qu'on ne sait pas si est numéro 1 encore ou numéro 2. Mais est-ce que tu mets la priorité sur bâtir une bonne ligne à l'attaque? Moi, je pense que c'est ça avant tout, même si ça peut être alléchant, là. Tu vas chercher l'un des deux meilleurs corps de la Ligue canadienne, là. La relève avec Alvio, on n'en parle plus, là. Ben, tu bâtis une bonne ligne à l'attaque. Moi, je pense que c'est plus important Ben, la bonne ligne à c'est l'attaque. parce que peu importe la carrière que tu vas mettre, si on il n'y a pas de protection, il n'y a aucun receveur à qui lancer, ça changera absolument rien. Donc, effectivement, tu vas chercher un Bo Levi Mitchell, un Mike Riley qui va prendre ta masse salariale au grand complet. Tu n'auras plus d'argent pour aller chercher du monde pour l'entourer. C'est pas, on n'est pas avancé à ce niveau-là. Puis c'est à savoir si ces deux joueurs-là veulent se Venir, joindre ouais. à une Ça, équipe comme Montréal. c'est le gros débat, hein, parce que quelque part, pas sûr que c'est intéressant, hein, pas sûr que c'est intéressant pour les gars, les gros joueurs autonomes de s'en venir ici, là. C'est clairement épeurant, en tout cas. Ah, regarde, il n'y a pas une grosse progression, c'est Kevis Reed qui est là-bas, quoi que Kevis Reed, ça a l'air d'être tout un vendeur, puisqu'il a encore son pouce, mais quand même, là, tu sais, c'est quelque chose. Finale de l'Est et de l'Ouest en fin de semaine. On dit Hamilton-Ottawa. C'est pas vraiment surprenant, mais hey, je regarde ça. Ça arrive souvent que l'Ouest traverse dans l'Est, mais une équipe de l'Ouest bat une équipe de l'Est en demi-finale, c'est rare, hein? En tout cas, moi, je suis 0 en 2 la semaine dernière avec mes prédictions. Cependant, je tiens à souligner que j'aurais changé ma prédiction de Winnipeg-Saskatchewan. Pour Winnipeg, si j'avais su que Kara Ross était Ben blessé, oui, c'est pas vrai allait pas partout. être partant. Ça allait changer complètement la donne. Mais effectivement, c'est rare qu'une équipe de l'eau. L'Ouest traverse, battre une Ouais, équipe de exact. l'Est, là. C'est ça. Puis Hamilton ont battu BC de façon convaincante. On rentre avec une belle confiance contre Ottawa. Je reste que je donne avantage à Ottawa pour le match contre Hamilton. Mais ça va être un match super intéressant de ce côté-là. Trevor Harris a beaucoup, beaucoup de succès contre les Tigers 4. Je pense que c'est 72% son ratio. J'ai vu ça ce matin sur le site de la SCF, là. Oui. Il est très, très, il est très, très, très, très, très. Il est toujours bon contre les Tigers 4. Ben, il est toujours bon contre les Tiger Cats. Et Ottawa, en général, ont du succès quand même contre Hamilton. Donc, ça va être intéressant. Il y a eu beaucoup de défaites crève-cœur de la part des Tiger Cats contre le Red Blacks dans les dernières années. Donc, c'est peut-être un moment de rédemption là, où on va essayer de venger certaines défaites des dernières années. Ça serait le fun de voir Hamilton à la Coupe Grey. Une équipe qu'on voyait même pas peut-être pas faire les séries en début de saison. C'est de voir Masoli comment qu'il a répondu à l'adversité dès le début de l'année, où lui, il était sur un banc éjectable là, dès le début avec l'arrivée Johnny Manziel. de Johnny Manziel. Donc, puis de voir l'entraîneur-chef comment qu'il est en mesure de bien gérer son équipe, ça c'est vraiment intéressant. N'empêche qu'Ottawa est une équipe le fun aussi. Ben oui. Puis du côté de l'Ouest, ben Calgary, semblent être les favoris, mais pas autant qu'à l'habitude. Hein? Ben, je parlais avec Shane Gauthier cette semaine, parce que Shane Gauthier vient de Dolboum-Cessny, puis il s'aligne pour les Bombers de Winnipeg, puis eux, Il fait très bien en plus. Ouais, ils ont fini avec vraiment ce momentum, hein? Ah oui, tu sais, c'est ça. Winnipeg, ils ont une défense super le fun, agressive, avec Big Hill, là, ça c'est leur... T'sais, tu vois, c'est le genre de joueur qu'eux autres, Winnipeg, sont allés chercher, là, Adam Big Hill, là. Ils ont eu des additions intéressantes au niveau de la défensive, puis ça leur a permis justement de remporter un match. Tu sais, il faut que tu sois bâti pour les séries de la Ligue canadienne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir la meilleure tertiaire ou les meilleurs corps arrière, mais quand tu vas arriver puis que le terrain il est gelé, puis qu'il fait froid, puis que comment tu vas réagir comme équipe? Bien, eux autres, là, Winnipeg me semble être bâti pour les séries en ce moment. Pourquoi je vois un match ultra serré contre Calgary? Parce que Calgary ont été sur un down un peu là, dans les dernières beaucoup semaines. Beaucoup de blessures aussi. Beaucoup de blessures. Ouais. Sauf qu'on a l'expérience des séries du côté de Calgary. Donc, on a... les quatre équipes là, les plus intéressantes à voir là, en demi-finale, donc ça, c'est bien le fun. Winnipeg-Ottawa, de la manière que je t'en ligne, tu t'en ligne? Winnipeg-Ottawa, oui, exact. Winnipeg-Ottawa, OK. Une petite surprise dans l'Ouest avec Winnipeg, puis Ottawa du côté de l'Est. Pascal, dernière question, Wally Boileau a terminé la semaine passée, puis comme dernier match, c'est affreux, là, 48 à 8. Est-ce que c'est le meilleur instructeur de l'histoire des Canadiens de football? Sûrement. Il y en a eu beaucoup, mais Wally Boileau, ça va être difficile de ne pas... qu'il ne fasse pas partie de la discussion quand on va avoir... Tant de la renommée, c'est sûr. Exactement, tu sais. Ouais. Puis, Wally Boileau, non seulement c'est un des entraîneurs-chefs les plus, je dirais, les plus respectés, mais aussi a eu le poste de directeur général et a été en mesure de gérer des équipes et des équipes d'entraîneurs, des équipes de joueurs, des équipes d'entraîneurs, des organisations de façon incroyable. Puis, si j'avais un vote, moi, je le donnerais à lui. OK, comme meilleur entraîneur de l'histoire. Oui. OK. Hey, en terminant, Pascal, puisqu'on parle de Wally, penses-tu que Mark Trussman pourrait se ramasser à Vancouver? Et là, Mark Trussman devrait être sur la liste de pas mal d'équipes là, en ce moment, puis il pourrait se retrouver à Vancouver. C'est un gros marché quand même, là, les Canadiens. Tu peux pas tomber avec... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, des entraîneurs du calibre de Mark Trussman, il y en a pas énormément. Ouais. Tu sais, on voit la police... on attendait qu'il décide de revenir pour le sauter dessus, puis on a pu le faire cette année, mais c'est le genre d'entraîneur un peu comme ça, là. On attend ça, là. On n'est pas si, comment je dirais ça, on n'est pas comme si game que ça dans la CFL de faire des tests de nouveaux entraîneurs. Des fois, on va essayer de chercher une tête américaine. Dans là, tous les sports. C'est dans tous les sports. Là, tu regardes la Ligue nationale de hockey, c'est pas mal toutes les mêmes têtes qui reviennent. Là. Non, c'est ça, ça arrive souvent. Ouais. Pascal, on s'en reparle bientôt. On se parle la semaine prochaine pour la Coupe Grey. On pourra même table ronde la semaine prochaine avec Patrick Henry, puisque moi, j'ai la Coupe Grey est à Edmonton, puis Patrick Henry de Radio-Canada est à Edmonton, puis il collabore de temps en temps avec moi. Fait que, tiens-toi prêt, ça va pas mettre une table ronde. Bon, je vais être prêt. Oui, Pascal Masson, notre collaborateur de la SCA.